asseyez-vous, disait le professeur. Comme par hasard, personne n'était debout. On se levait pour se rasseoir en chœur, car on l'aimait beaucoup. De la rivière arrangeait son foulard, François Leblanc lisait Gaston Leroux. Les frères Martin mâchaient des malabars et se foutaient de tout. Imperturbable, il commençait, conditionnel, plus que parfait. J'aurais été, que j'eusse été, professeur de français. Il portait un pardessus gris, un complet noir et un petit chapeau. Ainsi passait sa vie, entre le tableau noir, l'armoire et le bureau. Écoutez bien, disait le professeur, de la rivière dessinait des guitares. Il nous parlait des copines de sa sœur et de ses boum avenue Mozart. Près des manteaux, bien calés tout au fond, le moine effargue était indélogeable. Place idéale pour viser le plafond et bien graver les tables. Imperturbable, il continuait à essayer de faire la classe. Nous dîmes, vous putes, que je t'aimasse. Non, rien ne l'arrêtait. Il portait un pardessus gris, un complet noir et un petit chapeau. Ainsi passait sa vie, entre le grand couloir, la cour et le préau. Silence au fond, disait le professeur. Au premier rang, c'était les plus bavards. Le blanc lisait à l'abri d'un classeur, Rouletabille chez le tsar. Les frères Martin faisaient des antisèches en prévision de la compo d'histoire. Un jour, quelqu'un qui avait vendu la mèche eut un œil au beurre noir. Et tous les soirs, après les cours, il attendait son autobus. Que je partisse, que je vécusse, sa vie manquait d'amour. Il portait un pardessus gris, un complet noir et un petit chapeau. Ainsi passait sa vie, entre une pile de devoirs, sa règle et son stylo. De la rivière est devenu docteur, François Leblanc, critique de cinéma. Les frères Martin fabriquent des triporteurs dans l'usine de papa. Fargue a fini par trouver du boulot et s'est marié à une amie d'enfance. Quant à le moine, il a quitté la France, il est barman à Chicago. Les têtes changent et chaque année sa toux s'aggrave et ses cheveux blanchissent. Passé, présent, que je vieillisse, professeur de français. Il portait un pardessus gris, un complet noir et un petit chapeau. Il a fini sa vie entre la gare Michard, ses gouttes et son sirop.